Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire. Aujourd'hui, actualité des colloques, actualité des livres d'histoire. Pour commencer, nous aurons le très grand plaisir de recevoir le grand historien de la Révolution française, Timothy Taquet, dans notre Fabrique de l'Histoire mondiale mensuelle avec Valérie Hanin du magazine L'Histoire, à l'occasion de la parution au Seuil de son livre, donc, de Timothy Taquet, Anatomie de la Terreur. Puis, dans une deuxième partie de cette émission, nous dialoguerons avec deux chercheurs qui ont tous les deux travaillé sur l'enlèvement et le rapt dans des périodes plus anciennes, le rapt politique. En particulier, ils ont tenu un colloque, c'était à Luxembourg, autour de ce thème. Alors qu'en Italie, tout le monde se souvient ces temps-ci de l'enlèvement il y a 40 ans du leader de la démocratie chrétienne Aldo Moro, nous allons remonter plus haut, au Moyen-Âge, sur cette pratique de l'enlèvement politique. Et pour conclure, comme tous les vendredis, notre rubrique avec le site Rétro News de la Bibliothèque Nationale de France, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France, notre rubrique s'appelle « C'était à la une » et ce matin, elle donnera la parole à Louis Blériot, au lendemain de sa traversée de la Manche. Voici, comme chaque mois, avec vous Valérie Hanin, bonjour. Bonjour Emmanuel. Pour la Fabrique de l'Histoire mondiale, la séquence que nous coproduisons avec vous, avec le magazine L'Histoire, qui va d'ailleurs très bientôt fêter ses 40 ans. Et nous avons aujourd'hui un invité de marque, puisqu'il s'agit de Timothy Taquet. Faut-il encore présenter Timothy Taquet ? Eh bien, peut-être pas pour les amateurs d'histoire et d'histoire, notamment de la Révolution française, mais enfin, rappelons pour tout le monde que vous êtes Timothy Taquet, enseignant en Californie, et que vous avez publié depuis une trentaine d'années, on va dire, plusieurs livres sur la Révolution française. Aujourd'hui, le livre, c'est L'Anatomie de la Terreur, un très beau livre qui est publié aux éditions du Seuil et qui s'attaque à un sujet évidemment énorme. On dit la terreur, c'est le point aveugle de l'histoire de la Révolution française, celui sur lequel, depuis 200 ans, se sont entrechoquées les explications des historiens. Et en effet, la question n'est pas mince. Comment, en moins de 4 années, des hommes pleins de l'enthousiasme des bâtisseurs, qui étaient nourris d'idées de réforme, de justice, de liberté, qui étaient épris de réflexions sur la légitimité du pouvoir politique, ont pu établir, cautionner, organiser, parfois désirer, un gouvernement, un régime, dans lequel de simples suspects pouvaient être exécutés sans même bénéficier des garanties de la loi. Alors c'est à ce sujet insondable, une thématique vraiment inépuisable, que vous attaquez aujourd'hui, Timothy Taquet, avec ce livre qui, une fois de plus, vous fait renouer avec la question, je crois, du processus. Hein, vous avez, Emmanuel, vous disiez, on connaît Timothy Taquet parce que vous avez publié notamment 3 très grands livres sur la Révolution. Un sur le serment, sur la constitution civile du clergé, et vous montrez comment la Révolution a causé un schisme qu'elle n'avait pas du tout voulu avec l'Église. Un sur les révolutionnaires, les députés de 1789. Ça s'appelait « Par la volonté du peuple » et vous montrer comment des hommes qui arrivent comme députés aux États généraux deviennent des révolutionnaires. Un sur la fuite du roi et vous montrer là aussi comment un engrenage s'enclenche qui va mener vers la terreur. Au fond, c'est toujours le processus, Timothy Taquet, qui vous intéresse. Chez les historiens du nazisme, on dirait que vous êtes un fonctionnaliste, hein, et non pas un intentionnaliste. Alors, ce livre que vous publiez aujourd'hui, il s'appelle en anglais « The Coming of the Terror ». Pardon pour l'accent. Et donc, la question, c'est celle-là. Comment on devient un terroriste? Pour expliquer la terreur, d'habitude, on a recours à 2 grands types d'interprétations, 2 grandes familles d'interprétations. Celle qui tient à l'idéologie, une idéologie préétablie, ou celle qui tient aux circonstances. Et vous, vous avez une autre hypothèse, une autre approche. Alors vous allez nous expliquer, s'il vous plaît, Timothy Tackett, comment on devient un terroriste. Non, c'est tout à fait vrai. C'est une des questions les plus difficiles pour l'historien de la Révolution française. C'est une question presque mystérieuse. Comment expliquer les terribles factions toxiques, meurtrières, autodestructrices qui caractérisent la période? Comment arrive-t-il que les révolutionnaires commencent à se tuer les uns les autres, n'est-ce pas? D'après les travaux de Michel Biard, il y avait pas moins de 86 membres de la Convention nationale qui sont décédés d'une mort non naturelle. Donc exécutés ou morts en prison. Exactement, guillotinés ou suicidés même, n'est-ce pas? En fin de compte, la thèse de circonstance dont vous avez parlé tout à l'heure est certainement plus convaincante pour moi, même, je dirais, incontournable. Pourtant, il faut tout de même poser la question, pourquoi, face aux circonstances si difficiles, la guerre, la contre-révolution, une crise économique aussi, pourquoi les révolutionnaires ont-ils opté pour une politique de répression meurtrière et de violence d'État? La réponse n'est pas tout à fait évidente, à mon avis. Et là, pour comprendre l'avènement de la terreur, il faut aussi explorer l'évolution pendant la révolution même, c'est ça que je veux dire par processus, de la psychologie, de la mentalité et surtout des élites politiques. La psychologie qui a sous-tendu l'approbation d'un régime de violence. C'est pour ça que vous commencez votre livre bien en amont. Vous commencez pendant l'Ancien Régime en vous interrogeant sur ceux qui seront les futurs membres qui vont déclencher la terreur, en vous interrogeant sur leur formation, sur qui ils sont, sur la vision de la violence et en particulier de la violence populaire qu'ils peuvent avoir, sur leur réaction face au premier déclenchement de la violence le 14 juillet 1789, parce qu'il vous faut remonter à cette source-là pour comprendre ce processus, en l'occurrence Timothy Tackett. C'est vrai, et j'ai eu de la chance, donc je me base beaucoup sur la correspondance des témoins de la Révolution. Et j'ai eu beaucoup de chance de trouver de la correspondance qui commence avant la Révolution. Donc on peut regarder les pensées, les attitudes depuis les années 80 et même parfois avant. Valérie, oui, vous savez, dans ces correspondances, évidemment, noter au fil des pages des évolutions absolument surprenantes. Parlez-nous, par exemple, d'une femme que j'aime beaucoup et que vous suivez de très près, Rosalie Julien. Elle commence, c'est une femme éduquée, c'est une femme des Lumières. Qui est cette Rosalie Julien et comment vient-elle à cautionner la terreur? C'est une Parisienne, en fait, mais une bourgeoise. Et elle est pendant la Révolution, elle est femme d'un député à la Convention nationale, femme d'un Montagnard. La famille connaît bien Robespierre, Barère, ils sont invités chez eux parfois. Elle est là à écouter les Montagnards chez elle. Et c'est fascinant, cette correspondance, parce qu'on arrive à saisir l'évolution. L'expérience d'une bourgeoise de Paris est l'évolution de sa conscience politique, disons. Au début, elle a très peur, elle reste à la maison. Mais petit à petit, elle commence à quitter la maison. Après un moment, elle commence à aller écouter, assister à ses sections, au club des Jacobins. Elle va surtout dans la Convention nationale, elle assiste en haut, en partie parce que son mari est là, en bas. Elle fait des commentaires, elle décrit ce qu'elle voit. Et même pendant l'année 1793, elle écrit, elle rédige, elle publie une brochure. Pour une femme, c'est extraordinaire. Pour une femme bourgeoise, ça ne se faisait pas avant la Révolution. Mais là, elle publiait ses propres idées dans cette brochure. Et vous insistez d'ailleurs sur cette phrase à un moment donc qui est rapportée de Lazare Carnot, qui nous rappelle une autre phrase du XXe siècle, on ne naît pas femme, on le devient, c'était celle de Simone de Beauvoir, mais là, Lazare Carnot qui dit « on n'est pas révolutionnaire, on le devient ». Et effectivement, vous voyez ce processus de ceux qui deviennent révolutionnaires, oui, oui, oui. De ceux qui vont devenir aussi les opposants de leurs propres amis à l'intérieur du club des Jacobins, ceux qui vont se fâcher à mort. Est véritablement à mort. Et cette évolution, vous la suivez pas à pas, pourrait-on dire, Timothy Tackett. Là aussi, je me base beaucoup sur la correspondance de plusieurs témoins. La plupart de ces témoins sont des spectateurs. Ils sont des gens qui ne parlent pas beaucoup à l'Assemblée nationale. C'est des gens même à l'extérieur. Il y en a pas mal. Mais il y a quelques témoins très importants, Georges Couton, Pierre Vergniaud, Gilbert Rome. Donc, en regardant toute cette correspondance en série, et c'est ça un peu le secret pour l'emploi de la correspondance, il faut regarder en série, il faut comparer les différents récits d'un événement vu par plusieurs personnes. C'est ce que j'essaie de suivre. Et c'est comme ça que vous déterminez que ces leaders que l'on voudrait, des leaders de la Révolution, que l'on voudrait faire d'un bloc, sont en fait, dites-vous, des leaders versatiles. Ils changent au fur et à mesure des circonstances, ils n'ont pas la même idée, ils se contredisent même à quelques jours d'intervalle. Oui, oui, oui, c'est tout à fait vrai. En lisant certains textes sur la Révolution, on a l'impression que les gens gardent une idéologie, des idées fixes pendant toute la Révolution. C'est pas vrai. Ils changent beaucoup. La Révolution n'est pas un processus linéaire. C'est un processus qui monte et qui descend. Et ça, c'est un autre moyen de suivre cette évolution à partir de la correspondance, mais à partir d'autres sources aussi. Valériane. Et dans cette évolution, Timothy Tackett, ce que vous mettez vraiment fortement en évidence, c'est le rôle des émotions. Hein, comme beaucoup d'historiens, nous avions interrogé ici Emmanuel Collin-Jones, eh bien, vous insistez sur ce paroxysme émotionnel de la Révolution. Et au fond, l'évolution de ces révolutionnaires qui vont devenir terroristes, vous la montrez beaucoup en réaction, vous le dites, en réaction aux événements. Mais ce qui est très frappant dans les émotions que vous décrivez, c'est souvent la peur. C'est qui domine. Vous diriez que ce qu'on appelle la terreur, c'est une réaction de gens quelquefois apeurés? Je crois que c'est plus compliqué que ça, parce qu'évidemment, il ne faut pas sous-estimer non plus la force des émotions positives, donc la joie, l'enthousiasme, l'amour même, dans sa forme collective de la fraternité. Les émotions qui se voient dans des grandes cérémonies de prestation de serment, dans les grandes manifestations, dans les rues. Dans les banquets fraternels. Dans les banquets fraternels, tout à fait, qui se déroulent même au pire moment de la répression. Donc il ne faut pas sous-estimer ces émotions que je dis positives. Mais ceci dit, il y a bien sûr l'empreinte des émotions négatives, la peur, la colère, la haine et le désir de revanche, de vengeance. De quoi a-t-on peur quand on est au pouvoir en 1792 et bien sûr 93-94, qui sont les années de ce qu'on appelle en général la terreur? On a peur même depuis le début de la Révolution. Hein. En partie, c'est la situation même, la situation révolutionnaire qui a engendré la peur. Depuis le début, cela se manifeste clairement dans les lettres. On craigne l'inconnu, on craigne l'insécurité et le vide du pouvoir. Tout cela est amplifié d'ailleurs par l'effondrement de la bureaucratie et le judiciaire de l'Ancien Régime avant que les révolutionnaires puissent les remplacer. En effet, il y a un véritable interrègne au début de la Révolution. On oublie souvent, hein? Et c'est dans ce sens qu'on parle assez souvent dans la correspondance de l'anarchie. Mais ceci dit, il y a aussi des causes plus concrètes. Depuis 1789 aussi, il y a déjà une contre-révolution. Il y a les premiers émigrants qui partent déjà en juillet 89. Le comte d'Artois, les grands aristocrates. Bien sûr, tout ce monde. Et puis, on ne peut pas croire que les nobles qui ont dominé la société depuis si longtemps, qui vont accepter comme ça leur sort. On ne peut pas le croire. On a peur qu'ils vont chercher à se venger. Et puis, il n'y a pas seulement les émigrants, mais il y a des contre-révolutionnaires à Paris même. Les députés très conservateurs, les journaux, on oublie parfois l'existence des journaux très à droite, très conservateurs, qui annoncent tous la contre-révolution. Oui, et vous nous rappelez par exemple que Robespierre, effectivement, lorsque la guerre se profile, eh bien, n'est pas de ceux qui pensent que c'est à Coblenz que se trouve le siège du mal. Il dit le siège du mal, il est ici même, il est dans notre propre pays, et donc il y a les ennemis de l'intérieur, il y a ceux qui sont à l'œuvre pour pouvoir empêcher la révolution de continuer d'une certaine façon. Et donc, ces tensions vont aller croissantes, dites-vous, Timothy Tackett, entre ceux qui défendent de l'idée qu'il faut aller porter la guerre à l'extérieur et ceux qui disent elle est à l'intérieur cette guerre, et tout cela va faire que les révolutionnaires vont se diviser. C'est ce ferment de la division que vous pointez du doigt dans ce processus lent justement de poison à l'intérieur même de la révolution. C'est une des causes certainement des terribles factions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a quand même très présente, notamment, enfin, je trouve dans votre livre, c'est très très bien montré comment ces élites que vous suivez à travers, enfin, ces gens qui appartiennent aux élites et qui appartiennent aux élites des Lumières et qui se méfient beaucoup de la rue et de la violence populaire, au fond, on voit monter une espèce de peur et de concurrence avec cette pression qui est celle de la rue, du peuple, des sans-culottes. Hein, comment, au fond, on s'en méfie? Comment ces sans-culottes sont le moteur de la révolution? Comment peut-être il faut canaliser cette violence dont on a peur au risque de l'assumer soi-même. Alors, est-ce que vous diriez cela, Timothy Tackett, que au fond, il y a une peur qui s'auto-entretient du fait d'une violence qui est assez présente dès 1792, au fond? C'est sûr. Au début, on avait très peur. On était horrifiés par la violence des masses, d'abord pendant les événements des émeutes de Réveillon. Oui. N'est-ce pas? 1789. Juste avant, juste avril avant. 89, c'est juste ça. Avant la Révolution. C'est ça. Et puis, ils étaient horrifiés, pas tellement par la Bastille, mais surtout par le massacre à la place de Grève, devant l'hôtel de ville. Oui, car il y a des morts dès 1789. Ils ont enlevé les cœurs, ils ont jeté le cœur dans la salle de la municipalité. C'était terrible. Et pourtant, il y a là aussi une évolution dans les attitudes vers les masses. Et il y a, je crois, aussi une évolution de la population de Paris. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de ce concept de la liberté qui a si rapidement pénétré toute la société. Le Vitrier, le petit Vitrier suivi par Daniel Roche, Jacques Ménétra, oui, on parle dans ses mémoires manuscrits, et je le cite, ce mot de la liberté si souvent répété fit un effet comme surnaturel et échauffa toutes les têtes. Eh oui, et ce nouveau sentiment exubérant de l'autodétermination fait partie de ce que Chaim Burstein a appelé le protagonisme du peuple. Le sapere aude de Kant, c'est-à-dire cette idée qu'il faut avoir le courage de se servir de sa propre intelligence et de son propre entendement. On est capable de se gouverner soi-même. C'est ça. Mais j'aimerais aussi insister sur l'impact de classe moyenne. Donc des radicaux, des militants radicaux de gauche sur l'évolution de la psychologie des masses, des peuples. C'est eux, c'est les radicaux militants de la classe moyenne qui ont beaucoup encouragé la création des sociétés fraternelles des 1790-91. C'est eux qui ont fait le possible pour mettre fin à la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs. C'est eux, à partir de 90, qui ont glorifié le peuple comme l'âme de la révolution, doué d'une sagesse naturelle presque mystique. C'est déjà Jules Michelet, avant la lettre, n'est-ce pas? Et donc, où je pourrais citer un de nos jacobins, un de mes témoins jacobins, Michel Azéma, qui dit « Nous sommes tous peuple ». Donc, c'est cette liaison, cette alliance, cette front populaire entre ces deux classes qui constituent en fait les sans-culottes. Ce qui est quand même extraordinaire en vous suivant dans cette anatomie de la terreur, Timothy Tackett, puisque vous suivez des acteurs depuis l'avant-révolution jusqu'au moment même de la terreur, c'est cette idée qu'ils ont conscience, ou ils croient, ou ils disent en tous les cas, que chaque année, qu'ils vivent dans cette révolution est plus exceptionnelle que la précédente et plus difficile ou plus enthousiasmante que la précédente. C'est-à-dire, ils ont l'impression d'une sorte de concentration du temps, que quelque chose est en train de se passer et que cette idée-là rompt avec tout ce qu'ils ont connu auparavant, des années qui pouvaient être banales d'une certaine façon. Il n'y a pas d'année banale pour ces acteurs-là, en l'occurrence Timothy Tuckett. C'est vrai, n'est-ce pas? Il y a plusieurs citations à peu près. Nous vivons des siècles dans quelques mois. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier combien c'est difficile et parfois pénible de vivre une révolution. C'est très déconcertant. C'est l'inconnu. On ne sait pas l'avenir. On ne sait pas où on va. Et ça se voit surtout dans la correspondance où on n'a pas de connaissance du futur. Oui. Valériana. C'est très frappant, en effet, cette conscience de vivre l'exceptionnalité, c'est-à-dire qu'ils doivent sans arrêt réagir à l'événement, avec ce mélange, ce paroxysme d'émotions que vous décrivez bien. Il y a une citation de Dominique Gara, qui est député, hein, et qui, lui, va survivre, et qui, en 1795, s'étonne lui-même, et essaie de s'ausculter en disant « Nous étonnerons les siècles par les horreurs qui se sont commises au milieu de nous. Nous les étonnerons encore par nos vertus, ce qui sera à jamais incompréhensible, c'est le contraste inouï de nos principes et de nos folies. » C'est-à-dire qu'ils se regardent agir et ils sont étonnés eux-mêmes par ce qu'ils font. Comment gérer cette émotion quand on est au pouvoir? Enfin, c'est ce que vous montrez bien, cette tension, je crois. Gara, qui a connu la révolution depuis le début, qui a connu la pré-révolution, il a écrit des brochures déjà, et puis par la suite, il était député, il était ministre, et puis... Il était bouleversé par ce qui est arrivé. Il ne savait pas comment réagir. D'un côté, il était d'accord qu'il fallait centraliser le gouvernement, que si on allait gagner la guerre, il était près de Robespierre pendant un moment. Mais de l'autre côté, il était horrifié par ce qu'on faisait les uns les autres. Pourquoi on commençait à se tuer? Comment c'était possible de tuer Danton, par exemple? Danton! Gara, c'est quelqu'un de vraiment perspicace, que j'aime beaucoup et que j'ai suivi pas mal, oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous nous montrez les tourments, pourrait-on dire, de chacun de ces acteurs. Et ces tourments, vous allez les chercher justement dans ces correspondances ou dans ces journaux du fort privé qui sont connus pour certains d'entre eux, mais d'autres pas. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, Timothy Tuckett, il s'agissait pour vous de les comparer, de les mettre en série, de faire en sorte qu'ils se répondent de loin. On a souvent étudié une correspondance, mais là, vous en étudiez beaucoup et vous prenez des personnages qui sont très variés, ceux qui sont des simples spectateurs et ceux qui sont des acteurs majeurs de ce conflit. Et c'est justement dans cette ce paysage que vous dressez justement entre ceux qui agissent et ceux qui regardent que l'on peut mieux comprendre cette course vers la terreur, Timothy Tuckett. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'avais déjà découvert la correspondance et la richesse de la correspondance dans ce livre sur le début de la Révolution. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un tour de France pour ramasser des manuscrits et parfois des choses imprimées, mais dans les sources obscures, pour toute une génération. Et puis j'ai pu suivre cette génération au fur et à mesure qu'ils avancent dans la Révolution. Oui. Valériana. On peut revenir un peu sur le mot, peut-être. Le mot terreur ne fait pas forcément consensus. C'est un mot de l'époque, c'est ce que vous dites. Il est très employé à l'époque, mais avec un T minuscule. Ce qu'on appelle... Louis-Sébastien Mercier qui dit voilà. Il ne faut pas relâcher le ressort de la terreur en 1791, absolument, par notamment lui. Mais ce qu'on appelle terreur en général maintenant dans nos livres d'histoire avec un grand T et qui irait de la création du tribunal révolutionnaire, disons en mars 93, jusqu'à la mort de Robespierre un peu plus d'un an plus tard, ça n'est pas si évidemment accepté aujourd'hui. Est-ce que vous diriez qu'il y a une période de terreur ou est-ce que c'est plutôt ce qu'on ressent dans votre livre, plutôt une ambiance? Il n'y a pas de décision de mettre la terreur à l'ordre du jour. Jamais. Contrairement à la légende. Jamais. Oui, ce n'est pas une période. Mm. C'est une psychologie, si vous voulez. Et vous dites une violence d'État. Une violence d'État. Oui. Mon collègue Michel Billard ne veut pas employer le mot terreur avec majuscule. Et voilà. Même avec l'article défini. C'est terreur, et pour lui, ça indique avant tout le gouvernement de guerre, les actions d'un gouvernement de guerre. Ouais. Mais moi, qui m'intéresse davantage à la question de la violence, je me réfère par le mot terreur, avec T majuscule, surtout à la politique d'État, comme vous dites, qui institutionnalisait la violence et la menace de la violence, à la fois pour punir et pour intimider les ennemis de la Révolution. Valériane. Et alors ça, vous diriez que c'est une dérive ou une évolution nécessaire dans les grands mouvements de bouleversement politique et les grandes révolutions, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui tiendrait quand même à une exception française? Ah. Vous dites, Timothy Tackett, j'ai accepté avec ce livre de rentrer dans l'arène des gladiateurs. Donc effectivement, il faut bien un moment ou un autre que vous preniez les armes vous-même. Alors... Oui. Je ne parlais pas d'une exception française à propos de la terreur. Il me semble que toutes les grandes révolutions du 19e, du 20e siècle, en Chine, en Russie, à Cuba, en Iran, il y avait des moments de violence qui avaient chacun sa chronologie, son rythme propre, mais violence qui faisait partie de ce processus révolutionnaire. Évidemment, la révolution en Amérique n'a pas véritablement connu une période de terreur meurtrière comme ça, même s'il y avait sans doute des moments de violence, notamment envers les loyalistes, les Tories, comme on les appelle en anglais. Mais peut-être, après tout, il faut considérer l'Amérique comme l'exception, n'est-ce pas? Il faut noter qu'à l'époque, en Amérique du Nord comme ailleurs, on n'a même pas d'habitude d'employer le mot « révolution ». On dit toujours « guerre d'indépendance ». C'est seulement après, et parfois bien après, qu'on commençait en regardant en arrière, on commençait à parler d'une révolution. À la différence de la France, l'événement américain ne résultait pas de grands bouleversements sociaux ni politiques, au moins à l'intérieur. Et certains diraient même que les véritables révolutionnaires, c'était George III et ses ministres, que la guerre d'indépendance était une lutte pour empêcher des changements que les Anglais voulaient imposer. Mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Merci Timothy Tackett d'avoir accepté. Merci vraiment généreusement d'avoir accepté de venir nous voir donc à la Fabrique de l'Histoire pour cette séquence avec le magazine Histoire, qui d'ailleurs consacre un article de Guillaume Mazot dans le dernier numéro, donc une critique de votre ouvrage, ainsi que celui de Annie Jourdan, La Nouvelle Histoire de la Révolution, à propos de cette anatomie de la terreur qui vient de sortir dans la collection L'Univers Historique au Seuil. Merci beaucoup. Et ce numéro d'ailleurs de l'Histoire, ça intéresse à quelque chose qui intéressait beaucoup les révolutionnaires. Absolument. Un modèle pour les révolutionnaires, la cité de Sparte. Voilà, l'énigme Sparte, c'est en titre de ce numéro de l'Histoire. Merci encore et à bientôt. Merci à vous. Merci. Thank you. extrait de l'enlèvement de Proserpine, une œuvre de Nicolas Bernier sous la direction de Cornel Bernollet et l'ensemble Apothéosis pour nous introduire au deuxième sujet de cette émission de ce vendredi, le rapt en l'occurrence plutôt politique puisqu'il s'agissait de journée d'études d'un colloque international qui était organisé, et je me suis trompé ce matin dans le lancement, organisé non pas à Luxembourg mais à l'université de Louvain-la-Neuve par vous-même, Gilles Lecuypre, bonjour. Bonjour Emmanuel Laurentin. Vous êtes en duplex depuis les studios de Radio France à Lille et vous êtes professeur en histoire du Moyen-Âge et des temps modernes à l'université de Louvain-la-Neuve et y participez à ce colloque donc sur les rapts politiques au Moyen-Âge et au temps moderne. Héloïse Hadde, bonjour Héloïse Hadde. Bonjour. Vous m'entendez? Vous êtes donc en duplex depuis les studios de nos confrères au Luxembourg et nous les remercions de vous accueillir. Vous êtes chercheuse justement à l'université de Luxembourg, spécialiste des débuts de l'historiographie nationale en République tchèque à partir en particulier d'un livre que vous avez publié il y a quelques années sur la chronique de Dalimil et vous êtes intervenu dans ce colloque qui s'intitulait Rapt politique. Alors, je disais tout à l'heure en ouverture de cette émission, Gilles Lecuypre, que les Italiens savent ce qu'il en est des rapts politiques et que c'est renouvelé chaque année ou chaque décennie par l'anniversaire des 55 jours de détention avant son assassinat, donc du leader de la démocratie chrétienne, Aldo Moro, c'était en 1978 à Rome. Là, nous allons remonter avec vous deux dans une période plus ancienne où le rapt était une pratique de presque de gouvernement, pourrait-on dire, Gilles Lecuypre. Oui, effectivement, les cas de rap sont un petit peu épars dans l'Europe occidentale à cette période, entre le 13e et puis la Révolution française, qui était l'objet de la première partie de l'émission. Mais elle finit par devenir une sorte d'arme dans l'arsenal des potentialités, par envahir un petit peu l'imaginaire politique. Ça reste une possibilité aux côtés peut-être de l'empoisonnement. Il y a donc une mythologie du rapt aussi qui existe dans cette période. Et ce rapt ne concerne pas simplement des jeunes épouses que l'on voudrait voir donner à ses fils, par exemple. Ça n'est pas simplement le rapt donc de jeunes femmes, mais c'est aussi le rapt de jeunes hommes en l'occurrence ou d'hommes plus âgés. Gilles Lecuypre, tout simplement parce qu'ils gênent dans le paysage politique du moment. C'est moins qu'il gêne. Quand il s'agit de rapt de monarques ou de jeunes princes, il s'agit de mettre la main sur eux pour exercer une certaine tutelle ou, disons, corseter un peu le gouvernement en faveur d'un parti qui exige sa participation au conseil et aux affaires. Donc ça prouve à la fois la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme et puis la nécessité d'avoir accès à ce même homme et de le contrôler. Oui, mais il y a évidemment dans ce mot même de rapt la violence qui va avec, puisque tout cela est lié aussi à un terme latin qui peut signifier également le viol, en l'occurrence Gilles Lecuypre. Alors, ce qui est important, c'est que dans ce colloque, vous avez tenté aussi de montrer comment il pouvait y avoir, alors c'est difficile à dire, cette violence pouvait être une violence de protection. Et c'est très difficile à entendre aujourd'hui. Parfois, lorsqu'il y a menace, on peut enlever un prétendant, on peut enlever quelqu'un qui est menacé par un clan qui voudrait le pouvoir et le mettre à l'abri d'une certaine façon. C'est ça, c'est une sorte de pratique d'exfiltration, de rapt prophylactique, un rapt qui précède un autre rapt par le parti adverse, qui devient menaçant ou tout puissant. Il y a aussi bizarre que ça puisse paraître, des complicités parfois. La personne ravie, au sens étymologique du terme, a elle-même planifié ou participé à son enlèvement. Pour échapper à une situation intenable ou pour réorienter sa politique précisément. La situation intenable, ça peut être échapper tout simplement à ce qu'on appellerait un prédateur parfois, quelqu'un qui veut imposer sa volonté contre sa propre volonté. Donc c'est une façon d'organiser son propre rap, c'est une façon de se tirer d'un très mauvais pas, Gilles Lecuypre. Oui, effectivement. Oui, il y a parfois des leaders politiques qui descendent en force. Hein, c'est le cas de Jean sans peur qui menace Paris en 1418 et qui est en passe de faire main basse sur le pouvoir, et donc les partisans du dauphin Charles VII participent à son enlèvement, mais avec son consentement ultérieur. De la même façon, il y a aussi des reines qui jugent que la situation de leur mari est suffisamment compromise et qui préfèrent être enlevées pour échapper à son emprise. Et c'est le cas d'une reine portugaise au milieu du XIIIe siècle. Alors, Héloïse Hadde, vous avez travaillé, vous êtes spécialiste de l'espace de la bohème médiévale en particulier, et nous avions eu la chance de visiter avec vous et une autre chercheuse, donc Prague médiévale et néo-médiévale. C'est une émission qu'on peut encore entendre sur le site de la Fabrique de l'Histoire dans notre série d'émissions consacrées à l'Europe centrale et orientale il y a quelques semaines de cela. Vous avez vous-même, dans ce colloque organisé donc par Gilles Lecuppre à l'université de Louvain-la-Neuve, vous êtes venu sur un cas particulier, le cas d'un jeune roi, le roi Venceslas II, qui doit succéder à son père, Prémisseul Otokar II, donc dans cette vie de bohème, de ce pays de bohème, et qui se fait rapter par un protecteur, en l'occurrence, pendant 4 années, c'est cela ? Oui, en effet. Donc, pour situer un petit peu le cas, je voudrais rappeler qu'à ce moment-là, la Bohème est un royaume très puissant. Son père, qui vient de décéder, donc Prémisseul Otokar II, est un souverain redouté. Et donc, c'est au cours du conflit qu'il opposait au roi des Romains, Rodolphe de Habsbourg, qu'il perd le combat et la vie. Et donc, Venceslas, qui va devenir Venceslas II, se retrouve trop jeune pour régner. Il a 7 ans, et celui qui avait été désigné pour être son régent, effectivement, s'en empare pour le soustraire. On a donc cette thématique de la protection, le soustraire à d'éventuelles mauvaises influences pour l'emmener avec lui au Brandebourg, à Spandau. Alors, le Othon de Brandebourg l'enlève, donc, et ce qui est intéressant dans votre travail, c'est qu'il aurait pu être pris par d'autres aussi. Il y avait plusieurs personnes qui voulaient mettre la main sur ce jeune Venceslas. Oui, parce que effectivement, comme je disais, la Bohème avait un puissant souverain. Elle était aussi un très riche royaume. On venait de découvrir le bassin argentifère de Kutna-Hora, hein, qui inonde après toute l'ensemble de l'Europe, et donc c'était un territoire très attractif. Et on voit là donc plusieurs forces converger. Donc d'une part, Othon V arrive avec son armée, parce que le pays est encore en guerre. Rodolphe de Habsbourg arrive aussi avec son armée, se retrouve à occuper la Moravie. Et un autre, le duc de Wrocław, donc intervient également, Henri IV le Juste. Parce qu'il faut savoir que là, tous ces personnages sont liés aussi par des liens familiaux. Ouais. Et chacun essaie de justifier sa légitimité à être le bon protecteur. Et puis après, il y a aussi des dissidences entre les uns et les autres, donc des alliances qui changent, etc. Et en même temps, prendre le risque de poursuivre cette guerre, d'ajouter de nouveaux intervenants dedans, etc. C'était tout de même trop risqué. Et finalement, une commission est désignée par Rodolphe de Habsbourg pour régler la situation, et c'est donc Othon V de Brandebourg qui est désigné pour être le régent pendant 5 ans. Voilà, et donc ce jeune garçon, ce qui est intéressant, c'est que vous tentez dans votre communication, donc dans ce colloque consacré au rapt politique à l'époque médiévale et à l'époque moderne, vous tentez de démêler le vrai du faux, parce que évidemment on a écrit cette détention de façon différente selon que l'on était justement partisan du roi de Bohème ou partisan des autres prétendants à gouverner cet espace géographique. Et on a décrit par exemple que Venceslas avait été très maltraité, qu'il était dans sa captivité, avec des chaussures trouées, qu'on ne lui donnait pas à manger, qu'il n'a jamais eu autre chose qu'un simple vêtement pendant cette captivité qui a duré 5 ans et 4 ans. Et par ailleurs, vous expliquez qu'évidemment, quand on y regarde de plus près, il a été traité comme l'étaient tous les prétendants, tous les princes de cette période, conformément à son rang, qu'on l'a donc éduqué, même si évidemment la violence du rapt est toujours là. Oui, effectivement, donc ces sources. Enfin, ce qui est important, c'est que face au rap, on se retrouve quand même. Le rap pose la question de l'incarnation du pouvoir et donc de la crise quand le corps physique du roi n'est plus là, la crise du corps politique qui en résulte. Il y a un vide. Oui. Oui, voilà, un vide de pouvoir. Et donc, ces chroniques qui font cette description aussi dramatique, etc., expriment en fait cette inquiétude extrêmement importante. Alors, elles sont effectivement exagérées, mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les chroniques, qu'elles soient d'origine monastique, donc religieuse ou nobiliaire, font une peinture quasiment similaire, hein, donc d'un roi extrêmement maltraité. Et puis après, donc cette question de la maltraitance, enfin, comme vous le disiez, effectivement, il reçoit l'éducation due à son rang. Enfin, on ne peut pas imaginer de toute manière qu'il ait été traité de la manière dont les sources donc tchèques le rapportent. Mais ça reste quand même un traumatisme important, puisque lorsqu'il revient, le jeune garçon est tout de même extrêmement traumatisé. Ouais. Il a peur des chats, des orages, il se cache avec ses reliques, etc. Donc dans un moment extrêmement chrétien, comme pouvait l'être ce XIIIe siècle en l'occurrence, cela participe aussi de sa sanctification possible. On parlait hier de Saint-Louis dans notre émission. C'est vrai que dans ce XIIIe siècle, eh bien, être passé par cette épreuve, c'est d'une certaine façon avoir vécu un peu des épreuves qu'a pu vivre le Christ. Oui, effectivement, il y a une sorte de mise en scène christique de cet épisode de la vie de Venceslas. Alors, sans aller jusqu'à une éventuelle canonisation, en tout cas, ça participait de cette religion royale qui voulait faire du roi, donc une sorte d'image sur terre du Christ, effectivement. Oui, alors Gilles Lecuppre, cela a dit aussi beaucoup. Expliquez-vous dans l'introduction à ce colloque qui s'est tenu il y a 2 jours, donc à Louvain-la-Neuve, où vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge et des temps modernes. Cela dit beaucoup aussi sur la fragilité d'un pouvoir politique, alors que on va instaurer de plus en plus des États dans cette fin de Moyen-Âge et dans ce début d'époque moderne, où l'incarnation royale sera très importante. Oui, c'est assez paradoxal. On a beaucoup parlé, beaucoup insisté dans un passé très récent sur la création progressive d'institutions solides qui remplacent finalement la monarchie par un État qui peut lui survivre. Mmh. Et malgré tout, mettre la main sur le roi est la garantie de l'exercice du pouvoir ultime. Et c'est pourquoi la personne du roi ou du prince ou de l'héritier est cruciale. Et cette pratique justement du rapt politique, elle dure, expliquez-vous, jusque quasiment à la veille de la Révolution française, à la veille du 19e siècle, même si depuis il y en a connu d'autres, le rapt de Ben Barka, vous le rappelez, ou d'autres rapts de dirigeants révolutionnaires dont on voulait au bout du compte qu'ils ne puissent pas prendre le pouvoir. Mais disons qu'il y a une grande et une longue pratique de cet enlèvement politique qui s'interrompt avec le 19e siècle en grande partie. Comment expliquons que ça puisse durer aussi longtemps d'une certaine façon, Gilles Lecuppre? C'est la monarchie qui a duré très longtemps d'abord. Donc, il faut le rappeler effectivement. Il y a parfois des rapts d'opposants, même au Moyen-Âge, même à l'époque moderne. Oui, on se souvient de Napoléon avec le duc d'Enghien, évidemment. Voilà, exactement. Il y en a d'autres, des partisans un petit peu qui sont saisis et souvent traités avec la dernière des fermetés. Néanmoins, le corps le plus important, c'est effectivement celui du roi. Et c'est pourquoi, jusqu'à la Révolution incluse, la pratique est de l'ordre du possible. Oui, avec les sociétés démocratiques, c'est plus difficile, ouais, parce que le pouvoir est plus disséminé, finalement. Oui, mais le rapt ne conduit pas forcément, et au contraire, est une alternative à l'assassinat, d'une certaine façon. C'est-à-dire que on ne veut pas la mort de celui qu'on a rapté, la plupart du temps. En effet, j'y vois, pour ma part, une sorte de processus de civilisation. Malgré tout, la société politique est moins violente, parce que essayer de convertir un personnage en l'attirant à soi, c'est quand même moins redoutable que d'en disposer avec une dague ou une épée. Ouais. Eloïsa, vous qui connaissez bien ce royaume de Bohême, cet exemple du rapt que vous avez présenté lors de ce colloque de Louvain-la-Neuve du futur Venceslas II, est un exemple unique, ou il y en a d'autres dans cette longue histoire de la Bohême? En tout cas, d'un enlèvement par un étranger, parce que là, Othon donc et margrave de Brandebourg, c'est le cas unique. Après, en Bohême, entre divers camps, etc., ce sont des choses qui se produisent. Alors, je dirais pas souvent, mais il y a d'autres cas effectivement qui interviennent. Et toujours avec cette idée que celui qui est enlevé ne doit pas disparaître, c'est-à-dire qu'il faut d'une certaine façon soit faire payer une rançon, comme c'est arrivé dans le Royaume de France à d'autres moments, soit le conserver le temps que la situation politique puisse évoluer, parce qu'il y a aussi d'autres acteurs. Oui, ben justement, ce qui est intéressant avec le cas de Venceslas II, c'est que on aurait pu penser que la noblesse aurait pu en profiter en fait pour gagner plus de pouvoir, finalement laisser un peu de côté le roi. Mais non, elle fait cohésion. Alors que au moment où la guerre survient entre Przemysław Otokar II et Rodolphe, la noblesse est en rébellion endémique contre Przemysław Otokar II. Donc au moment de l'enlèvement de Venceslas, toute la noblesse est unie pour faire revenir le roi. Le roi, on doit vraiment l'avoir, c'est lui qui donne la légitimité en fait aux acteurs du pouvoir, aux institutions politiques, c'est lui qui fait tout marcher. Et donc c'est important de le faire revenir. Vous n'étiez pas que l'organisateur, Gilles Lecuppre, de ces deux journées donc de colloque international autour du rapt politique à Louvain-la-Neuve. Vous êtes également intervenu et je n'ai pas eu la communication que vous aviez donnée sur dont le titre m'intrigue, dans les bagages d'une belle-mère à Poigne, les rapts de Jean IV de Brabant. Vous pouvez nous résumer cette communication sur ce cas très particulier que vous avez présenté lors de ce colloque? Alors Jean IV, c'est un duc de Brabant qui est assez jeune et qui est présenté par les sources ultérieures comme très fragile. Et il a fait un beau mariage puisqu'il a épousé l'héritière des comtés de Hainaut, Hollande et Zélande. Mais il se trouve que sa belle-mère, Marguerite de Bourgogne, est une femme effectivement qui a une réputation de personnage un petit peu sulfureux, qui peut user du poison ou de l'assassinat, de la tentative d'assassinat. Et les conseillers de Jean n'ont qu'une peur, c'est qu'elle se saisisse de lui ou qu'elle parvienne à lui faire changer d'avis dans le cadre d'une guerre dans ces régions, dans ces Pays-Bas. Et donc à deux reprises, des rapts prophylactiques, comme je disais tout à l'heure, ont eu lieu pour soustraire Jean IV à l'influence possible de sa belle-mère. Et les craintes étaient fondées, puisqu'un autre projet d'enlèvement, doublé d'une sorte de révolution en Hainaut, a été mené quelques années plus tard et simplement dévoilé à quelques jours près. Merci à tous les deux. Merci à vous, donc Héloïse Hadd, d'avoir été en duplex depuis les studios de nos confrères de la radio luxembourgeoise. Et puis à vous d'avoir été avec nous, Gilles Lecuppre, à propos de ce colloque. Un dernier mot, mais très très bref. Gilles Lecuppre, on aura la publication de ces communications lors du colloque des rapts politiques? Bien entendu, c'est un trop beau sujet pour qu'on le laisse comme ça inexploité. C'est ce que nous considérons aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous remercie. Merci. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain, en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le matin, 26 juillet 1909. Un grand Français, Blériot, franchit la Manche en aéroplane. Comment j'ai traversé la Manche? Le fait est si simple que je renoncerais presque à le décrire si, étant aviateur ce matin, je n'étais journaliste cet après-midi. Le réveil fut pour moi quelque chose d'insupportable. Mon ami Alfred Leblanc m'avait réveillé à 2h30. Je n'étais, je l'avoue, nullement disposé à partir. Je voyais les choses en noir et, ne le dit à personne, j'aurais été heureux d'entendre dire que le vent soufflait si fort qu'aucune tentative n'était possible. Enfin, cela n'allait pas du tout. Leblanc me remonta un peu. Il m'emporta dans son auto. J'étais sauvé. L'air vif qui me fouettait le visage me réveilla tout à fait. J'eus un peu honte de mon mouvement de faiblesse. J'avais cette fois du courage pour deux. Au baraque, Mamette et Colin, mes deux excellents collaborateurs, ont ouvert la tente. Le monoplan sort de la cour de la ferme. Tout est prêt. Fidèle au règlement, j'ai attendu le lever du soleil. Une petite émotion s'empare de moi au moment où je prends place dans l'appareil. Que va-t-il arriver? Irai-je jusqu'à Douvres? réflexion rapide qui ne dure pas. Je ne pense plus qu'à mon appareil, au moteur, à l'hélice. Tout est en mouvement, tout vibre. Au signal, les ouvriers lâchent l'appareil. Me voilà soulevé. Je pique droit devant moi, m'élève progressivement de mètre en mètre. Je franchis la dune d'où le blanc m'envoie ses souhaits. Je suis à présent au-dessus de la mer. Je vais tranquillement, sans aucune émotion, sans aucune impression réelle. Il me semble être en ballon. L'absence de tout vent me permet de ne faire agir aucune commande de gouvernail ou de gauchissement. Au-dessus de la terre, les maisons, les bois, les routes apparaissent et disparaissent comme dans un rêve. Au-dessus de l'eau, la vague, la même vague, semble-t-il, se présente toujours à la vue. Je suis content de mon appareil, sa stabilité est parfaite. Pendant une dizaine de minutes, je suis resté seul, isolé, perdu au milieu de la mer immense, ne voyant aucun point à l'horizon, ne percevant aucun bateau. Ce calme, troublé seulement par le ronflement du moteur, fut un charme dangereux dont je me rendis fort bien compte. Aussi, j'avais les yeux fixés sur le distributeur d'huile et sur le niveau de consommation d'essence. Ces 10 minutes me parurent longues, et vraiment je fus heureux d'apercevoir vers l'est une ligne grise qui se détachait de la mer et qui grossissait à vue d'œil. Nul doute, c'était la côte anglaise. J'étais presque sauvé. Je me dirige vers cette montagne blanche. Mais le vent et la brume me prennent. Je dois lutter avec mes mains, avec mes yeux. Mon appareil obéit docilement à ma pensée. Je le dirige vers la falaise. Cependant, je ne vois plus d'ouvre. Ah, diable, où suis-je donc? 3 bateaux s'offrent à ma vue. Ils paraissent se diriger vers un port. Je les suis tranquillement. Mais sur le sol, un homme agite désespérément un drapeau tricolore. Je viens vers terre et j'aperçois le rédacteur du matin, le bon Fontaine, qui, seul dans la grande plaine, s'égosille. Ah, le brave garçon! Je veux atterrir. Le remous est violent. Dès que j'approche du sol, un tourbillon me soulève. Je ne puis rester plus longtemps dans les airs. Le vol avait duré 33 minutes, c'était suffisant. Au risque de tout casser, je coupe l'allumage. Et maintenant, au petit bonheur. Le châssis se reçoit un peu mal, il se casse un peu. Ma foi, tant pis. Je venais de traverser la Manche. Louis Blériot. Voilà pour ce C'était à la une, donc avec le texte de Louis Blériot, lu par Daniel Königsberg, et une réalisation de Séverine Cassard. Si vous avez le temps cet été, ce week-end, n'hésitez pas à aller sur le site Retro News de la Bibliothèque nationale de France pour y trouver cet article dans son intégralité, bien entendu. Demain, nous vous retrouvons bien entendu dès 10h, si vous le voulez bien, en vous inscrivant sur le site de la Maison de la Radio et sur le site de France Culture, donc à l'occasion du 3e et dernier forum de cette saison de France Culture consacré aux révolutions de l'intelligence. Nous parlerons pour notre part de l'histoire de l'intelligence. Y a-t-il la possibilité de faire une histoire de l'intelligence avec Sanjay Subramaniam, Anne Cheng et Pierre Singaravelu? Bien entendu, vous êtes tous invités à nous y rejoindre demain samedi à la Sorbonne. C'est à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Emmanuel Morsnacan nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous parlerons dans la Fabrique de l'Histoire de faim, de famine et de disette.